mon ami, ne te rendors pas. Je sais que la cuite était belle, mais n'en restons pas là. Il y a ce soir est une autre journée. Quelque chose m'envahit, je crois que c'est terminé. Mon ami, je crois que ce soir sera mon dernier soir. Je sens ma soif de vie, alors viens, on va boire. C'est la dernière navette pour le premier trépas. Alors viens, mon ami, ne te rendors pas. On sort, on va à pied savourer le bitume, histoire de se dépenser, tout comme mes dernières thunes qu'on va claquer ce soir en riant sous la lune. Mon ami, je t'arrache de ce sommeil d'enclume. On va respirer l'air pollué de la ville, revoir une dernière fois tous ces gens immobiles à leurs arrêts de bus devant les grandes surfaces qui s'achètent des conneries pour se voiler la face. On va masquer nos peurs et masquer nos démons en enlevant notre pudeur et ce masque à la con qu'on arbore dans les rues qui ne nous quitte plus. Mais tu sais bien qu'un masque, moi j'en ai toujours eu. Je n'ai pas attendu le Covid pour tricher. Je n'ai pas attendu le virus pour me cacher derrière des personnages, derrière des faux semblants qui m'ont usé la peau, m'ont fait perdre tous ces gens. Tous mes potes sont partis, amis, il n'y a plus que toi. Et les cons et aussi en arquant toutes mes lois. Tous ces gens, tu le sais, m'ont fait perdre la foi. Alors viens, mon ami, ne te rendors pas. On se couchera sur le trottoir, fumer mon dernier pet. On oubliera la haine dans les vapeurs de bœufs. On se couchera sous la lune et on sera heureux. On vaincra ces phémènes qui nous traitent de violeurs. On vaincra ces centaines d'illusions dans nos cœurs. On oubliera Perry et Marion et Fanny. On oubliera, mon pote, toutes les femmes de ta vie. On oubliera de payer au bistrot qui nous vire. On oubliera de rentrer, on oubliera de partir. On pensera plus qu'à nous et à cette dernière bourre avant que je ne rejoigne Johnny et Gainsbourg. On vivra dans les fêtes des appartements ce qu'on n'avait jamais encore vécu avant. Nous ferons apparaître des formes et des couleurs dans les verres de whisky et les pilules des teufeurs. Parce qu'avant de mourir, mon ami, c'est la défonce. Parce qu'avant de crever, je veux trouver des réponses. Ecstasy, ayahuasca, champi, LSD. T'as compris, mon ami, je veux mourir défoncé. Oublier que je vis dans cette carcasse puante qui a fait tant souffrir qu'on pardonne parce qu'il chante. Qui a bien malgré lui parfois manipulé. Qui est si schizophrène qu'il ne fait qu'imiter. Ami, je veux m'écrouler dans le premier caliban et vomir toutes les fois où je fus un salaud. Vomir toutes les fois où on m'a fait du mal, où j'ai fait jouir des connes dans des crises animales. Je veux pleurer dans tes bras une dernière fois, te dire que je me sens seul sauf ce soir pour une fois. M'accrocher aux peintures de ma mémoire qui flanche. J'ai peut-être pris trop d'anxieux et poussé sur la blanche. Car je veux crever seul avec les chiens du quartier. Quand je suis né, ma mère m'avait prise dans ses bras. Où est passée ma mère? Je ne la vois pas. Pourtant je sens enfin que s'échappe mon âme. Est-ce enfin la faucheuse ou le bromazépam? Je vois un long tunnel remplacer la cité. Je vois à toute vitesse mes souvenirs défiler. Je vous dis au revoir et j'espère à jamais. Si je vous manque un peu, il restera mes CD. Pour moi c'est le paradis ou l'enfer, peu importe. Je peux même aller nulle part, je peux coucher devant la porte. Tant que je n'existe plus sur cette terre désolée, tant que je peux m'endormir, mais pour l'éternité. À mon enterrement, ne soyez pas frileux. Vous n'avez pas cru en moi, croyez au moins en Dieu. Et puis ne pleurez pas en faisant des adieux. Dites-vous bien ce gars-là, il était malheureux. Il a voulu mourir juste pour se délivrer. Il était trop atteint, on pouvait plus le soigner. Et puis après tout je m'en fous, vous direz ce que vous voudrez. Moi je serai bien loin, assoupli, soulagé. Soif de vie, alors viens, on va boire. C'est la dernière navette pour le premier trépas. Alors viens, mon ami, ne te rendors pas.